Mireille, les autres, t'es pas mon genre. Plein d'objectifs dans ma tête, on est plusieurs. Seul le sourire de la maman me console, j'ai la tête de la AEC dans mon viseur. Comment te dire que je suis dégoûté? Tous leurs faits et gestes me font douter. J'ai compris plus tard, mais c'est pas trop tard. J'apprends de mes erreurs, je vais pas te louper. Je te raconte l'itinéraire d'une racaille. En terrain au détail et les drive-by. Combien nous ont quitté sans dire bye-bye. Assassin, l'enterrement avant le bergaï. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est la ville ghetto, on fait du sale, on se fait fumer. Maman en pleure, aucun des frères pour la consoler. Combien de fois j'essaie d'épanner sans calculer. Ils sont mauvais, rien qu'ils oublient. Vraiment mauvais. J'attends plus rien en retour depuis des années. La vie c'est dur mais on fait avec. On reste accroché au jean. Personne ne raccroche quand la mort t'appelle. Gardez votre amour inutile. En vieux je vois la haine dans tes yeux. Mais c'est rien je fais avec. Si t'es vicieux je suis plus vicieux. Si t'es bon je suis bon c'est la même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Non plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Si t'es en traite, je te fais la guerre. Deux, trois revolvers et ça fera l'affaire. On n'est pas les mêmes, rien que tu polémiques. Toi t'es malhonnête, éloigne-toi de moi. On n'est pas les mêmes, tu penses qu'à la mettre mauvais. Moi les mêmes, éloigne-toi de moi. Jalousie, loin de moi. J'ai plus grand chose à donner. Un sourire devant le miroir. Pour commencer ma journée. Mais c'est voulu, préfère te voir pauvre que blindé. Yeah, yeah. Sans bel avenir, sans billet. Même dans l'ombre on va briller. J'fais confiance au sablier. Yeah. La vie c'est dur mais on fait avec. On reste accroché au jean. Personne ne raccroche quand la mort t'appelle. Gardez votre amour inutile. Envieux je vois la haine dans tes yeux. Mais c'est rien je fais avec. Si t'es vicieux je suis plus vicieux. Si t'es bon je suis bon c'est la même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Non plus jamais, plus jamais, plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Si t'es en traite, je te fais la guerre. Deux, trois revolvers et ça fera l'affaire.